Bien-aimés, nous venons de lire une page absolument folle de l'Évangile. Nous venons d'entendre, frères et sœurs, le grand prologue de l'Évangile de Saint Jean. Et c'est ainsi chaque année, au jour de Noël, au matin de Noël, nous lisons ce grand prologue, comme un grand résumé de l'histoire du salut. L'histoire du salut apporté par Jésus-Christ. Alors, en nous approchant aujourd'hui de la crèche, cette année encore, en venant à Bethléem, eh bien, nous nous tournons vers ce Dieu qui nous sauve. C'est vers ce Dieu qui lui-même vient à nous. Ah ! Beaucoup cherchent à aller vers Dieu, sans penser que c'est Dieu qui vient vers nous. Il veut que nous sachions qu'il vient, que c'est lui qui vient, et que c'est lui qui d'abord s'approche de nous. Dieu fait cette chose folle de descendre sur la terre en prenant véritablement notre nature humaine. Le Dieu infini se fait homme, il habite parmi nous, pour que soit à jamais gravée dans le cœur de tous les hommes cette vérité que Dieu est tout proche de nous. Et oui, frères et sœurs, Dieu, c'est l'amour pur. Vous avez entendu, il est la lumière, il est le Verbe, il est l'amour. Dieu est amour, il est l'amour pur. Alors, qu'est-ce qu'un amour qui reste lointain ? Comme Dieu est pur amour, il ne peut pas s'empêcher de venir vers nous. Donc l'amour ne peut rester lointain, c'est lui qui vient. Mais en réalité, Dieu n'a pas attendu de s'incarner pour se faire proche. Depuis la nuit des temps, il habite dans sa création. Il la soutient dans l'existence. Mais vous avez entendu, la lumière qu'est Dieu, la lumière qui illumine tout homme, n'est pas accueilli. Les hommes s'éloignent de la lumière. Les êtres s'éloignent de Dieu. L'esprit humain a peur de Dieu. L'esprit humain fuit Dieu. Et il ne se rend pas compte que c'est précisément la source de tout son malheur et de toutes ses souffrances. Frères et sœurs, il faut que nous comprenions ça. Ne cherchons pas ailleurs la source de tous les malheurs et de toutes les souffrances de l'humanité. Elle vient uniquement du fait que l'humanité s'éloigne de Dieu. Elle vient uniquement du fait que chacun, chacune d'entre nous avons cette tendance à nous éloigner de Dieu. Je le vois souvent quand je vois des personnes entrer dans cette église. Ils sont comme attirés par cette église. Ils se disent « Oh là là, je vais trouver des réponses ». Ils entrent et puis il y a comme un espèce d'élastique qui les attire vers l'extérieur. Comme si, une fois entrés dans l'église, tout un coup, ils n'ont plus le temps de rester. Il faut absolument qu'ils fassent vite leur prière. Alors ils allument une bougie en se disant « Bon, elle restera là, mais moi, il faut vite que je décampe. » Quel mystère ! Dieu est là. La lumière qui éclaire tout homme est là. Et pourtant, l'homme le fuit. Fuir Dieu, se cacher de Dieu pour soi-disant jouir de son indépendance, c'est ce que notre petite voix intérieure nous dit. Eh bien, c'est se condamner à souffrir. Et voyez-vous, frères et sœurs, cela, Dieu ne le supporte pas. Mais comme il ne peut pas se renier lui-même, qu'il ne peut pas contraindre une liberté qu'il a lui-même suscitée, eh bien, il lui faut employer pour nous attirer à lui, pour nous permettre plutôt de nous laisser rejoindre par lui, d'employer des moyens de persuasion qui vont d'abord toucher notre cœur. Dieu ne veut pas nous contraindre, il veut toucher notre cœur. Pour ça, il faut qu'il nous manifeste son amour infini dans l'espoir que nos cœurs se laissent toucher, se laisse conquérir pour nous arracher au malheur et pour nous faire vivre à nouveau en sa présence. Ce que Dieu fait pour nous, frères et sœurs, en nous aimant et en se manifestant à Noël, c'est nous sauver. Quand Dieu descend dans la crèche, vous comprenez bien, c'est qu'il veut toucher notre cœur. Nous, nous cherchons des lumières, nous cherchons des explications, pourquoi le monde, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi le mal, pourquoi le bien. Et Dieu nous dit, mais tais-toi, laisse-moi toucher ton cœur, je descends. Toutes les lumières que tu pourras chercher dans la gnose, dans la science, dans tout ça est merveilleux. Mais la seule vraie lumière qui peut éclairer ton cœur, c'est moi. C'est ma présence. Et voilà pourquoi je descends, tout petit enfant, pour que tu te laisses toucher dans ton cœur par ma présence. Jésus, en hébreu Yeshua, veut dire littéralement salut de Dieu. C'est le nom de Dieu lorsqu'il prend définitivement la résolution de nous sauver. Emmanuel et Yeshua. Immanuel veut dire Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous, Immanu, immanence. Et Dieu nous sauve. Dieu veut nous sauver en venant au milieu de nous, en venant au cœur de notre âme. C'est comme ça qu'il veut nous sauver. À partir du moment où Dieu a réussi à entrer dans notre âme, à partir du moment où nous avons laissé notre cœur se fissurer pour laisser entrer cette lumière qui vient de Dieu, alors nous sommes sauvés. Il n'y a pas à chercher d'explications cachées, de secrets. Tout ça, c'est la gnose, poubelle. La présence de Jésus dans notre âme. Voilà la seule chose qui puisse nous sauver, qui puisse nous éclairer. Et je le vois jour après jour. Lorsque l'âme ouvre son cœur, se laisse pénétrer par l'amour de Dieu, alors tout change, tout change. La lumière entre, toutes les explications viennent d'elles-mêmes. La loi se répand dans l'âme. Et elle s'accomplit par amour. Yeshua, c'est Dieu en tant qu'il nous sauve, en tant qu'il a entendu le cri de ses enfants dans les larmes et dans l'angoisse, et en tant qu'il vient à leur rencontre parce qu'il a résolu de les sauver. Et si nous regardons attentivement la manière dont Yeshua va ouvrir le bal du salut, nous serons obligés de reconnaître qu'une fois de plus, il va chercher à nous surprendre. Et oui, il est comme ça. Comme il nous aime, il cherche à nous surprendre. C'est comme ça qu'on fait quand on aime, on cherche à surprendre. Il nous surprend en se faisant tout petit enfant. Le salut, c'est avant tout l'histoire de quelqu'un d'aussi grand que Dieu, qui se fait aussi petit qu'un nourrisson. C'est la première et la plus fondamentale leçon que nous devons recueillir du mystère de Noël. D'abord que Dieu descend vers nous, qu'il veut venir en nous, que ce n'est pas à nous de grimper vers lui, que nous n'avons qu'à ouvrir notre cœur, et deuxièmement, qu'en réalité, il n'y a pas d'autre leçon, c'est qu'en se faisant, en s'abaissant, Dieu se révèle entièrement. Du moins, il révèle ce qu'il est au plus intime de lui-même, il nous révèle son cœur. Quand Yeshua sera plus grand, qui sera en âge de prêcher, il nous dira ceci, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Il ne nous a pas dit « Apprenez de moi autre chose. » La seule chose qu'il nous a demandé d'apprendre de lui, c'est qu'il était doux et humble de cœur. Voilà la lumière. Frères et sœurs, la lumière, c'est que Dieu Tout-Puissant, est doux et humble. Est-ce que nous avons intégré ça ? Que Dieu est doux et humble. Que Dieu n'a pas un fouet pour nous fouetter, pour nous juger, pour nous condamner. Que Dieu est doux et humble. Nous devons essayer de saisir l'importance de cette révélation pour nous. Si Jésus nous révèle dans cette crèche son cœur, c'est-à-dire le cœur de Dieu, c'est qu'il veut nous apprendre nous enseigner, nous montrer la manière dont nous devons l'accueillir. N'oublions pas qu'il a résolu de nous sauver. C'est pour nous conduire à lui d'une certaine manière qu'il vient dans un petit enfant. Il veut nous montrer ce que nous devons devenir, ce que notre cœur doit chercher pour se laisser rejoindre par lui. En se faisant tout petit, il veut nous faire comprendre que la plus grande chose que nous ayons à faire d'ici-bas, c'est de nous faire tout petits nous aussi. Il fallait que quelqu'un d'aussi grand que Dieu lui-même se fasse aussi petit qu'un nourrisson pour que nous l'apprenions et que nous y croyions. Le plus grand des enfants des hommes, Saint Jean-Baptiste, dont il est question dans le prologue de Saint Jean, avait bien compris cela. Il dit « Il faut que lui grandisse et que moi je diminue ». Vous avez compris ? C'est les vases communicants. Dieu se fait tout petit pour grandir en nous et pour que nous apprenions à diminuer devant lui. Et si nous prenons en exemple la vie de tous les saints, depuis Saint Joseph jusqu'au dernier canonisé de l'histoire, nous ne trouverons rien d'autre. Chacun à sa manière, ils ont suivi ce chemin de l'abaissement pour rencontrer Dieu, se laisser sauver par lui. Frères et sœurs, que c'est rassurant, que c'est consolant cette affaire. Vous avez vu, il ne s'agit pas de se faire des gros biscottos. Il ne s'agit pas d'être des grands hommes, des grandes femmes pour être sauvés. C'est le contraire. Il s'agit d'accepter d'être tout petit, d'être humble. Alors c'est vrai, c'est difficile. Mais pourtant, c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Si nous accueillons cette vérité profonde ce matin, si la grâce de Noël vient opérer en nous des merveilles, alors nous regarderons notre vie avec un œil totalement nouveau, un œil libre, un œil simple, un œil détaché de toute angoisse terrestre, un œil détaché de tout besoin d'exister, de paraître, de posséder, de réussir. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, il n'est pas bon de réussir. Simplement, nous serons détachés de cette angoisse. Il faut que j'y arrive. Il faut que j'y fasse. Non. Laisse-toi faire. Les choses comme ça ne sont pas mauvaises en soi, mais elles risquent de ravir notre cœur et de nous empêcher de rencontrer Dieu pour nous laisser sauver. Les véritables souffrances du monde et les nôtres ne disparaîtront pas tant que les hommes n'auront pas compris et appris à vivre comme ça. Mais pour ça, il faut la brûlure de cette lumière foudroyante de l'amour divin étendue sur la paille. Oh, comme j'aimerais ce matin que chacun d'entre nous ressente comme cette brûlure d'amour devant ce petit enfant. Que chacun de nous puisse peut-être après la messe passer quelques instants, au lieu de bavarder tout de suite, à genoux devant ce petit Jésus. Le regarder et penser un instant que Jésus vient à notre rencontre comme ça. Que chacun de nous puisse laisser ce tout petit bébé brûler son cœur d'amour pour se laisser sauver par lui. Paul Claudel, le soir de Noël 1886, après avoir été ébranlé dans son matérialisme, tellement présent dans notre monde, en lisant les Illuminations et Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, vous voyez, Dieu se sert de tout. Il se rend pour les vêpres à la cathédrale de Paris, Notre-Dame, et pendant le chant du Magnificat, va se produire en lui l'événement qui va dominer toute son existence. En un instant, dit-il, mon cœur fut touché. Et je crus. Frères et sœurs, le Magnificat, c'est le chant de la Sainte Vierge. Et qu'y a-t-il au cœur du Magnificat ? Cette phrase magnifique. Il s'est penché, Dieu s'est penché sur l'humilité de sa servante, sur l'abaissement de sa servante. Dieu s'est abaissé sur l'abaissement de sa servante. En entendant ça, Paul Claudel est touché. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude, ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, à vrai dire, la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence. l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. L'éternelle enfance de Dieu et avec elle l'éternel désir de Dieu de nous sauver. C'est bien cela qu'il faut désirer recevoir aujourd'hui. Jésus à Noël, ce n'est rien d'autre que la vérité tout entière qui se donne à aimer éperdument. Tout est un mystère d'amour. Alors frères et sœurs, n'attendons pas pour l'aimer nous aussi sans réserve, puisque c'est la seule raison de sa présence ici et de la nôtre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.